Chapitre 26e, la parole de Li Chuma. Les Chinois levèrent ensemble les bras, se montrant sans défense, vaincus, ne voulant pas continuer la lutte. « Déliez cet homme !» commanda Paulin Broquet. Et, docile, deux d'entre eux dégagèrent aussitôt Pagnose. Le cow-boy était écumant de rage. Dès qu'il se sentit libre, il se campa en face des deux Chinois. Et avant que Paulin Broquet eût pu intervenir, il leur allongeait à chacun un coup de poing à la mâchoire qui les envoyait tous deux au pays des rêves. Pagnose, mis en goût, s'avançait sur ceux qui, dans le fond du magasin, tenaient encore les bras levés. Il allait taper là-dedans comme dans un jeu de massacre. « Stop !» lui cria Paulin Broquet. « Stop !» Sans comprendre pourquoi il devait cesser la bataille quand tout commençait si bien, Pagnose s'arrêta. Il remit auprès de son maître, auprès de Messiden, qui maintenant, penché sur Ayak Maki, commençait à le soigner. Paulin Broquet, s'adressant aux Chinois, commanda « Que l'un de vous aille chercher Fuzi et l'amène ici sans hésitation, sans retard. » Une voix répondit « Fuzi, gravement blessé, ne peut venir. C'est moi qui le remplacerai. » Un Chinois parut sortir du rideau de soie derrière lequel venait de disparaître le poussard Fuzi. C'était un Chinois, jeune encore, à l'expression intelligente. Il vint lentement à Paulin Broquet, lui parlant dans un anglais des plus corrects. « Vous pouvez rentrer votre arme, dit-il. Si la lutte entre nous continue, le combat aujourd'hui est fini. Vous êtes vainqueur. Nous nous soumettons. » Il se tourna vers les hommes demeurés au fond. « Allez chercher de quoi penser se blesser, » commanda-t-il. Les hommes s'inclinaient respectueusement et avec empressement obéirent. « Monsieur, » reprit le Chinois, « un malheur que nous estimons égal à celui qui vous a amené ici nous frappe aujourd'hui et nous accable. Nous pouvons et nous devons nous entendre. Causons. Arrêtons les conditions d'un accord loyal et sincère. » Paulin Broquet tressaillit. « Aucun accord n'est possible avec vous, » commença-t-il. Le Chinois eut un triste sourire. « C'est toujours ce que les Européens qui viennent chez nous pour exploiter les faces jaunes disent en traitant avec les Chinois qu'ils s'efforcent de dépouiller par tous les moyens. » « Il ne s'agit pas de cela en ce moment. Je le sais, mais je dois vous le dire. Avant toute chose, faisons un accord loyal. Rien avant que vous m'ayez dit ce que vous avez fait de mon enfant. » Le Chinois ne répondit pas directement à Paulin Broquet. « J'ai dit accord loyal, » reprit-il, « et de ma parole, vous ne douterez pas, je suppose, quand Messiden elle-même vous aura dit que vous pouvez avoir confiance en moi. »« Mon enfant, » répondit Paulin Broquet. « Que Messiden veuille bien me regarder une seconde, » reprit le Chinois avec le plus grand calme. Messiden, ainsi interpellé, directement leva la tête. Elle regarda le Chinois qui se mit bien en lumière. « Li Chuma, » dit-elle, le reconnaissant aussitôt. « Li Chuma, » redit le Chinois en s'inclinant profondément devant Messiden. « Lui, madame, qui vous salue comme une aurore dorée après une nuit d'orage. Je savais que vous rappelleriez Li Chuma. » Et je suis heureux d'avoir pu laisser une trace dans votre mémoire. » Puis il ajouta. « Maintenant veuillez, Messiden, dire à celui qui vous a si grandement mérité, vous, la statue d'or vivante, et qui a ce bonheur d'être votre époux, de partager le ciel de votre vie, veuillez lui dire qu'il peut avoir confiance dans la parole de Li Chuma. » Douloureusement, Messiden répondit. « Si vous n'étiez parmi ceux que nous combattons, si vous ne veniez au nom de ceux qui nous ont fait du mal, Li Chuma, je vous eusse tout de suite tendu la main. « Madame, humblement je baise le bas de votre robe et vous remercie de ces mots. » Il ajouta. « Madame, vous direz plus tard, si vous le jugez bon, et sans que je l'entende, ce que j'ai pu faire autrefois pour mériter ce que vous venez de me dire. Je n'ai pas changé, et vous pouvez toujours croire à ce que je vous fais entendre maintenant. Puisque la même peine vous frappe tous deux, c'est à vous que je parlerai, Messiden, et c'est vous qui transmettrez mes paroles à votre époux. Parlez, Li Chuma. » Ne me demandez pas pourquoi je suis de ce côté qui vous fait souffrir, du lieu d'être avec qui vous souffrez. Je dois seulement vous dire que Darling, ma fille, vous savez ce qu'on a fait de Darling. Darling n'a pas franchi le couloir de l'oubli. Vivante, bien vivante, et jolie, Messiden, comme seule sa mère peut l'être sur terre. Aucune souffrance, aucune torture ne lui a été infligée, sauf le chagrin de ne pas voir sa maman. Ma Darling, « je vous donne ma parole, Messiden, que rien de fâcheux, de douloureux n'est arrivé et n'arrivera à Darling. Alors pourquoi ne pas me la rendre? Il ne dépend pas de moi. De qui cela dépend-il? De la volonté suprême. De lui, du maître. De Zygomar, j'ai dit le maître. » Il eut un court silence, puis Litchouma reprit, s'adressant maintenant à Paulin Broquet. « Darling est protégé par la bague sacrée qui est, sera, doit être en votre pouvoir. Voici les conditions absolument simples, tout à fait loyales. Rendez-nous la bague que votre chien a emportée et nous vous rendrons Darling. » Ayant dit cela, Litchouma s'inclina comme tout à l'heure profondément devant Messeden, et pendant qu'il achevait son salut, tout à coup, mystérieusement, il disparut derrière le rideau de soie, laissant Paulin Broquet et Messeden très étonnés de cet étonnant marché et de ces singulières conditions, rendant la bague pour avoir Darling.